طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، on commence aujourd'hui le cours 30 dans l'explication du sharh de Al-Usul al-Thalatha, l'explication du Cheikh Zayd al-Madkhali. Et on est arrivé maintenant à expliquer la signification de la foi en les anges, Al-Imanu bil-Malaika. Juste avant de commencer, j'aimerais juste faire un petit rappel en même temps, un rappel général. C'est qu'il faut que le musulman qui s'accroche au Coran et à la Sunna et qui s'accroche à la compréhension des salaf al-salih, il ne faut pas qu'il se décourage du fait qu'il voit que le nombre des gens qui suivent la fausseté est plus grand que le nombre des gens qui suivent la vérité. Parce que parfois, qu'est-ce qui se passe, c'est que le mu'min, le croyant, le muslim, le salafi, celui qui suit le Coran et la Sunna, selon le Coran et la Sunna, eh bien, il regarde autour de lui et il voit par exemple que beaucoup de gens s'opposent au Coran et à la Sunna, que beaucoup de gens commencent à contredire la vérité, et que les gens qui acceptent la vérité sont peu nombreux, et donc parfois ils se découragent, ou bien parfois ils perdent l'espoir, ou bien parfois ils deviennent faibles dans sa foi, ou peut-être même qu'ils se laissent aller un peu, ils commencent à dire « Ah, mais comment ça se fait si ces gens-là sont plus nombreux ?» Peut-être que ça veut dire que c'est bien, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, il ne faut pas tomber dans ce genre d'erreur. Et les salafs, rahimahumullah, ils ont mis en garde justement contre ça, et ils ont dit, ne te laisse pas dévier par le nombre des gens de l'égarement. Hein, et accroche-toi à la voix des salafs, même si c'est un petit nombre, même si vous êtes peu. Parce que la vérité ne se détermine pas par rapport au nombre, et le fait que quelqu'un soit tout seul et que tous les autres sont en opposition ou en contradiction avec lui, eh bien ça ne veut pas dire que il est dans l'erreur à cause de ça. L'important, c'est que tu t'accroches au Coran et à la Sunna et aux preuves de qu'est-ce que Allah a révélé, et à la compréhension des salaf al-salih. Et une fois que tu t'es accroché à ça, peu importe qui, peu importe combien, peu importe la force de ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font, toi tu bouges pas, tu restes accroché à ça. Tu les laisses pas te détourner de cette vérité-là. Parce que sinon tu vas avoir des gens autour de toi, et eux ils pensent que qu'est-ce qu'ils font est bien, parce que beaucoup de gens sont avec eux, ou parce que beaucoup de gens répondent à leur appel, ou des choses de ce genre, alors qu'ils sont dans l'égarement et qu'ils appellent les gens à l'égarement. Donc soyons fermes dans notre manhaj, dans notre aqida, dans le fait de suivre l'exemple des messagers. Et si ce qu'ils faisaient, si ce qu'ils font était vrai, eh bien dans ce cas-là, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y aura des prophètes au jour de la résurrection qui vont arriver, ils seront seuls? Il y en a d'autres parmi les prophètes qui vont arriver au jour de la résurrection, il y aura seulement un ou deux personnes qui vont les suivre. Donc, est-ce que ces prophètes-là, ils n'avaient pas la vérité? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas eu de fidèles ou de gens qui les ont suivis? Pourquoi? Parce que ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide si quelqu'un va avoir des gens qui vont les suivre ou non. Et le fait que tu t'accroches au messager et que tu appelles les gens au Coran et à la Sunna et qu'il y a peu de gens qui te suivent ou qui t'écoutent, eh bien, c'est ça l'important. Peu importe l'importance, l'important c'est que tu dises la vérité, que tu appelles à la vérité, que tu t'accroches à la vérité, et quand tu vas mourir, Inch'Allah, tu vas mourir sur la vérité. Tandis que si tu commences à changer de discours et à contredire les messagers d'Allah, à contredire les prophètes, juste parce que tu veux que les gens t'écoutent, juste parce que tu veux que les gens te suivent, juste parce que tu veux faire plaisir aux gens pour que les gens t'aiment, ta personne, et non pas aiment la vérité, mais dans ce cas-là, tu es dans l'égarement total. Donc ça, c'est un rappel pour nous, pour ne pas se laisser séduire et ne pas perdre patience, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Hein? Donc on va commencer ayant dit ça maintenant. Le Cheikh Zayd, il dit: وَأَمَّا مَعْنَى الْإِيمَانِ بِالْمَلَائِكَةِ الَّذِي هُوَ الرُّكْنُ الثَّانِي مِنْ أَرْكَانِ الْإِيمَانِ فَهُوَ التَّصْدِيقُ بِوُجُودِهِمْ وَأَنَّهُمْ مِنْ مَخْلُوقَاتِ اللَّهِ الْعَظِيمَةِ خَلَقَهُمُ اللَّهُ وَجَبَلَهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ فلا سبيل لهم إلى مخالفة أمره وقد أسند الله إليهم أعمالا هامة لا يقوم بها سواهم فمنهم من ينزل الوحي ومنهم من يصرف القطر والنبات ومنهم من يحفظ بني آدم من السوء والمكروهات إلى غير ذلك مما نعلم ومما لا نعلم وما يعلم جنود ربك إلا هو بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. Donc le cheikh il a mentionné des exemples ici et clarifie la foi en les anges, qu'est-ce que ça signifie. Donc, il dit, en ce qui concerne la signification de la foi en les anges, ça c'est le deuxième pilier parmi les piliers de la foi. Et c'est le fait de reconnaître leur existence, de croire en leur existence premièrement. Donc, premièrement, tu dois croire qu'ils existent, les anges. C'est pas quelque chose d'imaginaire, c'est pas quelque chose qui est des histoires, des fables, hein, ou des êtres, fantastiques qui n'existent pas dans la réalité. Non, c'est des êtres qui existent réellement. Allah subhanahu wa ta'ala les a créés et ils existent vraiment, hein? Et ils sont présents. Et ce sont des grandes créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala les a créés et ils sont leur nature dans laquelle Allah les a créés, c'est l'obéissance d'Allah. C'est-à-dire que les anges n'ont aucune capacité et aucune volonté de désobéir à l'ordre d'Allah. Ils sont créés obéissants. C'est comme ça qu'ils sont. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a assigné des tâches ou des travaux très importants et ils ne peuvent faire autre chose que ces tâches-là. Chacun d'entre ces anges a sa tâche et sa responsabilité que Allah lui a donnée. Il y en a par exemple qui sont responsables de faire descendre la révélation aux messagers, comme Jibril, alayhi salam. Il donne à chaque messager sa révélation, hein, et le dernier messager c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a d'autres anges qui eux sont chargés de la pluie et des plantes. Hein. Et il y en a d'autres qui sont chargés de garder et préserver et protéger les êtres humains contre tout le mal ou toute chose mauvaise qui pourrait leur arriver. Donc c'est des anges gardiens. Hein? Et il y en a d'autres, en dehors de ça, il y a des anges qui existent, qui sont là pour faire d'autres tâches. Parmi ces différents anges qui existent, qui ont d'autres tâches, il y en a que Allah nous a mentionné dans le Coran ou dans la Sunna, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna nous a expliqué qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font. Et il y en a d'autres anges qu'on ne connaît pas et que Allah ne nous a pas mentionné ce qu'ils font, mais c'est Allah qui les connaît. Donc il y en a beaucoup. Hein? Et le cheikh il mentionne à ce sujet-là le verset 31 dans sourate Al-Muddassir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ. C'est-à-dire, personne, sourate Al-Muddassir, le numéro de sourate Al-Muddassir, je vais te dire tout de suite. Al-Muddassir, c'est la sourate 74. Sourate 74, le verset 31. Et personne ne connaît les armées de ton Seigneur excepté lui. Personne ne connaît les armées de ton Seigneur excepté lui. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a des armées d'anges. Et personne ne les connaît. Et personne ne connaît leur nombre. Personne ne connaît combien ils sont excepté Allah subhanahu wa ta'ala et comment ils sont. Donc il y a beaucoup d'autres armées que Allah seul connaît. Et il mentionne aussi le verset 26 et 27 dans Surat Al-Anbiya, les prophètes. Hein? Surat Al-Anbiya, c'est la Surat 21. Hein? Le verset 26-27. Qu'est-ce qu'il dit dans cette sourate, dans ce verset? Il décrit les anges. Allah subhanahu wa ta'ala décrit les anges dans ce verset et il mentionne quelques-unes de leurs caractéristiques. Il dit dans sourate Al-Anbiya 26 et 27 وَقَالُوا اتَّخَذُ الرَّحْمَنَ سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ. Et naam. C'est ça. Et ils ont dit, et ils dirent, le tout miséricordieux s'est donné un enfant, pureté à lui, mais ce sont plutôt des serviteurs honorés. Ce sont plutôt des serviteurs honorés, c'est-à-dire les anges. Ils ne devancent pas son commandement et agissent selon ses ordres. Donc ils ne peuvent pas devancer le commandement d'Allah. Ils ne peuvent pas agir avant que Allah leur ait ordonné d'agir. Et ils ne peuvent pas agir autrement que par son ordre. Le cheikh il dit ensuite ولل إيمان بالملائكة ولل إيمان بهذا الركن ثمرات جليلة منها أولا العلم بعظمة الخالق سبحانه وقوته ونفوذ سلطانه حيث خلق هذا الخلق الذي لا يحصي عدده بشر وهم الملائكة. Donc, c'est quoi les bienfaits et les points bénéfiques, les fruits du fait de croire en les anges, hein, ce pilier de la foi? Le premier point que le cheikh a mentionné, c'est qu'en connaissant les anges, eh bien, on arrive à avoir une connaissance de la grandeur d'Allah. Hein, puisque si on connaît la force des anges et leur grandeur, eh bien, ça nous fait savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus grand que ça. Quand on sait, par exemple, que Jibril, il a 600 ailes, et qu'avec un seul de ses ailes, il couvre l'horizon, hein, eh bien, ça nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus grand que ça, puisqu'il est plus grand que toutes ses créatures. Hein, et donc, ça nous montre la grandeur et la force, hein, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous montre à quel point sa puissance, comment elle s'exécute, hein, que la puissance d'Allah, elle est exécutée par ses anges qui sont immenses, et que du fait que également il a créé des anges et nous on ne sait même pas combien il y en a. Hein. Allah seul connaît le nombre d'anges qu'il a fait. Le point numéro 2 que le cheikh mentionne, il dit شكر العبد ربه على ما أولاه من التربية العامة والخاصة والعناية البالغة فقد هيأ له ما في السماوات وما في الأرض ومن جملة ذلك الملائكة على اختلاف وظاهفهم المهمة ومراتبهم العظيمة فهم يحفظونه من كل سوء ومكروه وهم يستغفرون لأهل الإيمان وهم يكتبون الأعمال خيرها وشرها إلى غير ذلك من وظاهفهم التي هيأهم الله تبارك وتعالى لها. Donc le fait que également le parmi les fruits de la foi en ce pilier, il y a le fait que le serviteur remercie son Seigneur, puisque Allah subhanahu wa ta'ala s'est occupé de lui de la façon générale et de la façon particulière, puisqu'il est un croyant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala s'est occupé de lui d'une façon générale et d'une façon particulière, et du fait que yani, il a préparé pour lui tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et parmi ces choses-là, il y a les anges, avec les différentes tâches qu'ils ont et les différents degrés qu'ils ont, et ils préservent les hommes et ils protègent les hommes contre le mal et contre des mauvaises choses. Et ils demandent pardon aux gens de la foi. Ils demandent pardon pour les pardon. Les anges demandent pardon à Allah pour les anges de la foi. Et c'est comme si les anges disaient à Allah, oh Allah, pardonne à un tel, pardonne à un tel pour les péchés qu'il a fait, pardonne aux gens de la foi, pardonne aux croyants. Donc il demande à Allah pardon pour nous, yani, pour les croyants, pour les hommes. Et ils écrivent les actions des hommes. Qu'est-ce que les hommes font? Eh bien, il y a un ange qui est chargé d'écrire ça. Un ange à droite qui écrit les bonnes actions et un ange à gauche qui écrit les péchés de cette personne. Hein? Et ça fait partie des tâches de ces anges-là. Et il y a beaucoup d'autres tâches que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à chacun de ces différents anges. Après, le cheikh il dit, comme point numéro 3, وجوب محبة الملائكة لأنهم أنصحوا المخلوقات لعباد الله المؤمنين كما قال الله تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Donc ça c'est les versets 9, 8 et 9 dans sourate dans sourate Ghafir, et c'est une sourate, yani, mashallah, elle est très belle cette sourate, et dans ces versets-là en particulier, il y a des belles choses qui sont clarifiées. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie, en fait, le cheikh il dit c'est obligatoire pour nous d'aimer les anges, parce que les anges sont les créatures les plus, yani, les plus sincères. Hein? لأنهم أنصح المخلوقات لعباد الله. Donc c'est les créatures les plus sincères pour les serviteurs d'Allah parmi les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit des anges, yani, il dit ainsi s'avère juste la parole d'Allah, ainsi s'avère juste la parole de, oui c'est ça, ça commence le verset 7. Pardon, c'est le verset 7 à 9. Ceux qui portent le trône, c'est-à-dire les anges qui portent le trône, et ceux qui l'entourent, hein, qui entourent le trône, célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. Seigneur, donc ça c'est les anges qui font l'invocation. Et ils demandent à Allah, ils disent, Rabbana, notre Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science, pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin et protège-les du châtiment de l'enfer. Notre Seigneur, fais-les entrer au jardin d'Éden que tu as promis, que tu leur as promis, ainsi qu'aux vertueux parmi leurs ancêtres, leurs épouses et leurs descendants, car c'est toi le puissant, le sage, et préserve-les du châtiment des mauvaises actions. Et quiconque tu préserves du châtiment des mauvaises actions, ce jour-là, tu lui feras miséricorde, et c'est là l'énorme succès. Donc ça, c'est pour montrer comment les anges font des du'as pour les êtres humains, comment ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala pour les êtres humains. Ensuite, donc, on a parlé du troisième pilier de la foi, c'est la foi en al-kutub, c'est-à-dire les livres. Kutub, c'est le pluriel en arabe de kitab. Kutub, c'est le pluriel de kitab. Kitab qui veut dire un livre. Le cheikh il dit فهو الاعتقاد الجازم بأنها منزلة من عند الله تبارك وتعالى تكلم بها قولا وأنزلها على رسله وحيا وصدق بها ذو الإيمان برسله حقا وصدقا وقد أمر الله الأمة المحمدية كلها أن تعلن إيمانها باطنا وظاهرا بما أنزله الله على الأنبياء السابقين حيث قال سبحانه قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Donc, le cheikh explique que de croire en les livres, c'est d'avoir la foi certaine et la conviction que ces livres sont révélés de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ces livres, c'est des paroles, hein, les paroles qui sont dans ces livres, eh bien c'est les paroles que Allah a prononcées lui-même, que c'est des paroles que Allah subhanahu wa ta'ala a dites, et il les a fait descendre sur ses messagers par révélation, hein, et il a confirmé par ses livres ceux qui ont la foi en ses messagers, hein, en vérité et en toute sincérité. Donc ceux qui ont la foi parmi ses messagers ont cru en ces révélations-là, hein, avec toute sincérité et toute vérité, et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de déclarer sa foi ouvertement et intérieurement en tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur ses prophètes précédents aussi, pas seulement de croire en le Coran, mais de croire en tous les autres livres aussi qui étaient révélés auparavant. Et le cheikh il mentionne le verset 136 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: dites, nous croyons en Allah et en ce qui a été révélé sur nous, et en ce qui a été révélé sur Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub, et ainsi que les tribus, et de même que ce qui a été révélé sur Moussa et Issa, et ce qui a été donné aux prophètes de la part de leur Seigneur, et nous ne faisons aucune distinction entre eux, et nous sommes soumis à lui. Et nous sommes soumis à lui. Nous sommes muslimoun, nous sommes des musulmans. Donc, ça c'est la foi en les livres. Ensuite, le cheikh a parlé de la foi en les messagers. Hein? Et il dit, Amma ma'na al-iman bil-rusul. Rusul, c'est le pluriel de rasoul. Rasoul, c'est le singulier. Le pluriel, c'est rusul. Ok? Et il dit le cheikh, فهو الاعتقاد الذي لا شك فيه أن الله بعث رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم فمن اقتدى بهم واستجاب لدعوتهم فقد اهتدى ومن جحد رسالاتهم فكذب بها فقد ضل وغوى كما قال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. Donc le cheikh il dit, la signification de la foi en les messagers, c'est de croire avec conviction, dans laquelle il n'y a pas de doute que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers comme annonciateurs d'une bonne nouvelle et comme avertisseurs d'un châtiment. Mubashirin wa munzirin. Mubashirin, ça veut dire qu'ils ont annoncé une bonne nouvelle, et munzirin, ça veut dire qu'ils ont averti contre un châtiment. Pour qu'il n'y ait plus de preuves ou plus d'arguments pour les êtres humains au jour de la résurrection. Après que Allah ait envoyé ses messagers, les hommes n'ont plus d'excuses, les hommes n'ont plus d'arguments, les gens n'ont plus d'excuses devant Allah au jour de la résurrection. C'est-à-dire, ils ne peuvent plus dire, oh Allah, on ne savait pas, on n'a pas reçu de messagers. Puisque Allah a envoyé les messagers. Et le premier d'entre les messagers, c'est Nuh, alayhi salam. Et le dernier d'entre les messagers, c'est Muhammad, alayhi salatu wassalam. Et celui qui, donc, a suivi l'exemple des messagers et des prophètes et qui a répondu à leur da'wa, c'est-à-dire qu'il a répondu à leur invitation, alors dans ce cas-là, il a été bien guidé. Mais celui qui a renié le message de ses messagers et qui a traité les messages de mensonges et les messagers de menteurs, eh bien celui-là s'est égaré et il a dévié. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le verset 152, dans Surat An-Nisa, il dit, et ceux qui ont cru en Allah et en son messager, et qui n'ont fait aucune distinction entre aucun d'entre eux, ceux-là auront leur récompense, on va leur donner leur récompense, et Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Donc il faut croire en Allah et en ses messagers. Et souvent vous allez voir la foi en les messagers tout de suite mentionnée après la mention de la foi en Allah. Croyez en Allah et en ses messagers. Croyez en Allah et aux messagers. Parce que si tu ne crois pas aux messagers, c'est comme si tu ne crois pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de koufars par exemple, ils disent, moi je reconnais l'existence d'un Dieu. Je reconnais qu'il y a un maître tout puissant. Je reconnais que oui, il y a un Dieu qui existe, une force suprême. Mais ce n'est pas suffisant de dire ça si tu ne crois pas en les messagers d'Allah. Comment tu vas connaître ce Dieu? Comment tu vas l'adorer? C'est bien de dire oui, il existe, Dieu il existe, oui. Mais après, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce que tu vas faire avec cette croyance? Qu'est-ce que tu vas faire avec cette foi? Et avec cette foi en un Dieu que tu prétends, en lequel tu prétends croire, mais tu ne l'adores pas. Tu lui obéis pas et tu t'écartes pas de ce qu'il t'a interdit. En fait, il croit que Dieu a créé le monde, mais il ne leur a pas donné de messager ni de prophète. Il ne leur a pas envoyé de livre à suivre. Donc ça veut dire que pour eux, il n'y a pas d'interdiction et il n'y a pas d'ordre à respecter. Et ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'adorer Allah. Ça veut dire que Allah a abandonné l'humanité à son propre sort. Et que Allah subhanahu wa ta'ala les a laissés sur terre dans l'égarement et dans la confusion. Et la confusion, le doute, l'incertitude. Et il les a fait vivre comme des animaux sur la terre, sans savoir où est-ce qu'ils doivent aller, qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qui est bien pour eux, qu'est-ce qui est mauvais pour eux, qu'est-ce qui est bon, pourquoi ils vivent, quand ils meurent, qu'est-ce qui arrive après? Rien, il ne leur a rien dit. Donc ça c'est, ces gens-là, même s'ils disent que Dieu existe, ça équivaut à dire qu'ils ne croient pas en Dieu vraiment. Parce que ça sert à, cette foi qu'ils prétendent avoir, elle ne sert à rien. Puisqu'ils ne croient pas en les messagers que Allah a envoyés. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a pas créé l'humanité pour rien. Il l'a créé pour une sagesse. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait, c'est pour une sagesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est sage il est miséricordieux. Hein? Et parmi les exemples de sa miséricorde et sa sagesse, c'est qu'il n'a pas laissé les êtres humains à eux-mêmes. Il ne les a pas laissés sans savoir pourquoi ils existent. Il ne les a pas laissés sans savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Il leur a montré le droit chemin et il leur a montré l'égarement et il leur a montré les conséquences de suivre le droit chemin et les conséquences de suivre l'égarement et qu'est-ce qui va arriver à la fin pour les croyants et qu'est-ce qui va arriver à la fin pour les gens qui ont rejeté la foi. Tout ça, ça a été expliqué et tout ça, ça a été clarifié par Allah par l'intermédiaire de ses messagers à l'humanité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas abandonnés à nous-mêmes. Hein, il ne nous a pas laissés, hein, comme ils disent par exemple, Lam yatrukna hamala. Allah ne nous a pas laissés sans but, sans objectif, sans ordonnance, sans interdiction, sans règles à suivre et ainsi de suite. Non. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il n'a pas créé le monde en vain. Hein? وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. Ça c'est la pensée des gens qui ont mécru. Eux, ils pensent que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre en vain, pour rien. Hein? Et ça c'est pas propice à Allah, c'est pas convenable d'attribuer ce genre de choses là à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-Hakim, al-Alim, al-Khabir, al-Rahim. Hein? Donc il ne fait que par sa sagesse, par sa miséricorde, par sa science, par sa connaissance et ainsi de suite. Donc il ne va pas laisser des êtres humains et les créer comme ça et les laisser à eux-mêmes sans les guider, sans leur montrer le droit chemin. وللإيمان بالرسل فوائد عظيمة وثمرات جليلة منها العلم القطعي. C'est comme je disais dans les cours précédents, je disais, c'est comme si quelqu'un il fabrique une machine et il donne pas aux gens le mode d'emploi. Alors les gens ils voient la machine par exemple et là ils savent même pas comment l'allumer, ils savent même pas comment le faire fonctionner, ils savent même pas à quoi ça sert, ils savent même pas comment ça marche. Hein? Alors est-ce que ça va être utile cette machine? Non, parce que t'as pas le mode d'emploi qui va avec. T'as rien, tu sais rien comment ça fonctionne. Eh bien, la vie, c'est encore plus important de savoir pourquoi on vit, de savoir pour quelle raison Allah nous a créés, pourquoi on est apparu sur cette terre, hein, et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé cet univers immense autour de nous, les étoiles, le ciel, la lune, le soleil, les arbres, les nuages, le vent, la pluie. Hein, tout ce qui est là autour de nous, tout ça, c'est pourquoi? Pour rien? Il nous a mis là comme ça, hein, et on est, et on meurt, et puis c'est fini? Non. Hein, c'est pas possible. Donc, le cheikh, il dit, parmi les bienfaits et les fruits de croire, hein, les messagers, il dit, العلم القطعي برحمه الله العزيز الرحيم الذي لم يكل الخلق إلى عقولهم بل أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا. Il dit premièrement la science certaine de la miséricorde d'Allah, le Tout-Puissant, le miséricordieux, celui qui n'a pas laissé à les créatures se dépendre uniquement de leur logique ou de leur intelligence ou de leur raison. Non, il leur a envoyé des messagers, hein, et il leur a fait descendre des livres pour qu'ils puissent savoir comment vivre et où est-ce qu'il est le bien pour eux et où est-ce qu'il est le mal pour s'en écarter. Hein. Et le deuxième point qu'il mentionne, il dit اعتبار رسالاتهم نعمة كبرى أنعم الله بها على عباده في كل زمان ومكان. Le fait qu'on considère ces messages et ces livres que Allah nous a révélés comme étant la plus grande miséricorde que Allah subhanahu wa ta'ala a fait à ses serviteurs en toute époque et en tout lieu. Maintenant les kuffars, eux, ils veulent éloigner les gens de cette miséricorde et les ramener à l'ignorance, les ramener à leurs passions et à leurs désirs, hein, en faisant eux-mêmes, hein, des lois pour essayer de diviser l'humanité et de les ramener à l'idolâtrie ou bien de les ramener à l'obéissance des diables et l'obéissance de leurs passions. Hein? Donc chacun il va faire des lois pour ses propres intérêts et essayer d'appeler les gens à dire mais c'est ça qui est bon maintenant parce que ça satisfait nos intérêts. Et yani faire des lois contre les autres parce que yani ils veulent avoir tout le bien pour eux et mettre yani les autres dans une autre situation ou dans une position difficile. Ils font des lois par rapport à leurs intérêts. Allah subhanahu wa ta'ala fait des lois pour l'intérêt de l'humanité tout entière, pour le bien de l'humanité. Maintenant, les gens qui n'ont pas la foi, ils veulent imposer aux autres êtres humains d'obéir au shaitan, d'obéir au tarout. Hein? Bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas permis d'obéir au tarout et au shaitan. Mais eux, yani, bien entendu, ils ne connaissent pas la vérité. Et même s'ils la connaissent, ils ne l'aiment pas. Ils ont choisi l'égarement avec leur propre gré, et ils ont décidé de suivre la fausseté et le mensonge de leur propre gré. Hein? Allahul Musta'an. Donc c'est ça le résultat. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans le monde? C'est ça le résultat, le désordre, la corruption, le crime. Yani, l'injustice, le mal, le péché, yani, tout ce qui se passe dans l'univers maintenant, dans les différents pays dans le monde, eh bien, c'est le résultat de la désobéissance d'Allah. C'est ça le résultat. Le point numéro 3, Mahabbatu ulaika ar-rusul al-kiram ahlun nushi was-sidqi wal-amanati wal-ikhlas. Donc, le cheikh, il dit comme point numéro 3, le fait qu'on doit aimer ces messagers-là, parce que ce sont des hommes qui aiment le bien et qui sont sincères et qui sont véridiques, hein, et qui sont des hommes honnêtes et sincères et qui font tout ce qu'ils font pour Allah, hein, ils font pas pour une autre chose. Et ça c'est une des caractéristiques des messagers. Ça c'est parmi les caractéristiques. An-nusr, ça veut dire ils sont sincères envers les hommes. Ils veulent le bien pour eux et ils leur montrent le bien. C'est pas juste ils connaissent le bien pour eux-mêmes puis ça y est. Yani, ils font le bien pour eux-mêmes tout seuls puis ils laissent les autres êtres humains dans l'égarement. Non. Ou bien ils sont véridiques et sincères. C'est-à-dire ils disent la vérité, ils ne mentent pas. Hein? Et aussi ils sont fiables et honnêtes. Hein? Ils font leur tâche et leur mission avec honnêteté. Ils ne déforment pas la vérité, ils ne changent pas la vérité, ils obéissent à Allah et ils font tout ce qu'ils font pour Allah, pas pour avoir un profit ou pour avoir quelque chose dans la dunya ou des choses de ce genre. Tout ce qu'ils font, c'est pour le plaisir d'Allah seulement. Il dit wa amma ma'na al-iman bil yawm al-akhir fa huwa at-tasdiq al-mabni 'ala al-'ilm al-mustamad min kitab Allah. Donc maintenant il va parler de la foi en le jour dernier. Il va parler de la foi en le jour dernier. Et le jour dernier, ça comprend tout ce qui se passe yani après la mort, hein, tout ce qui se passe après la mort jusqu'au jour de la résurrection et après qu'est-ce qui se passe yani après la résurrection. Donc à partir de la mort jusqu'au jour de la résurrection ou le jour du jugement dernier. Hein? Et après, quand les gens rentrent soit au paradis ou en enfer, ça c'est le jour dernier. Parce qu'il n'y a pas de jour après. C'est le dernier jour. Le cheikh il explique ça. Il dit فَهُوَ التَّصْدِيقُ الْمَبْنِي عَلَى الْعِلْمِ الْمُسْتَمَدِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ hein? مِنْ كِتَابِ رَبِّنَا ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن الله سيبعث الخلائق بعد موتهم ثم يجمعهم ليوم لا ريب فيه ويجازي كلا بعمله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Donc le cheikh il explique, il dit que la foi en le jour dernier, c'est le fait de croire, hein, et de reconnaître que le jour de la résurrection, il est véridique, que c'est quelque chose qui va arriver pour de vrai, et tu bases cette reconnaissance et cette croyance sur une science tirée du Coran et de la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ta foi, c'est pas n'importe quelle foi, c'est une foi qui est basée sur les preuves, basée sur le Coran et la Sunna. Et yani, il dit que Allah va faire ressusciter toutes les créatures. Allah va faire ressusciter toutes les créatures après la mort, et il va les réunir au jour, dans un jour sur lequel il n'y a pas de doute. Et il va les rétribuer et les récompenser, chacun selon son acte, son action, qu'est-ce qu'il a fait durant sa vie. Et il mentionne le verset dans Surat Al-Zalzala, hein, c'est le verset 7 et 8. Dans Surat Al-Zalzala, c'est dans les dernières sourates, à la fin, dans les dernières sourates de Juz Amma, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quiconque fait le poids d'une atome, ou le poids, d'une atome de bien, il va le voir. Celui qui fait une atome de bien, le poids d'une atome de bien, il va le voir. Celui qui fait le poids d'une atome de mal, il va le voir. Ça veut dire que il n'y a rien qui va échapper à Allah. Même le petit bien que tu as fait, qui est plus petit qu'une poussière, Allah, il va le faire sortir. Il va le faire sortir dans la balance. Même le petit poids de mal que tu as fait, même si c'est plus petit qu'une poussière, Allah, il va le ramener, et tu vas le voir. Donc, il n'y a rien qui va échapper ce jour-là. Donc, il faut faire attention. Hein? Il faut faire attention donc à nos paroles et à nos actions, parce qu'on va être jugé. Et il dit, وَمَنْ كَذَبَ بِهَذَا الْيَوْمِ أَوْ بِشَيْءٍ مِمَّا سَيَكُونُ فِيهِ مِنَ الصِّرَاطِ وَالْمِيزَانِ وَالْحَوْضِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْجَزَاءَ عَلَى الْأَعْمَالِ وَغَيْرِهَا مما هو معلوم من الشرع بالضرورة فقد ضل سواء السبيل إذ إن ثبوت وقوع ذلك قد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. Donc le cheikh il dit, celui qui traite le jour de la résurrection, ou ce jour-là, il le traite de mensonge, ou qui dément quoi que ce soit de ce qui est mentionné par rapport à ce jour-là, par rapport au pont que les gens auront à traverser sur l'enfer, ou les balances dans lesquelles Allah va peser les personnes et les actions, ou le bassin duquel les croyants vont boire, ou le paradis, ou l'enfer, hein, et qui se moque, il y en a de ça, ou bien qui le nie, hein, bien, tout ça, celui qui fait ça, yani, il renie que les actions vont être rétribuées, ou des choses de ce genre qui font partie de ce qui est révélé et qui est certain dans la révélation et qui est connu dans la religion. Si quelqu'un nie ces choses-là, il s'est égaré du droit chemin, parce que l'affirmation, hein, que ces choses-là vont se produire, ça a été prouvé par le Coran et par la Sunna et par le consensus des musulmans. Donc ça, c'est en ce qui concerne la foi en le jour de la résurrection. Maintenant, le cheikh explique les points bénéfiques du fait de croire en ça. Naam. C'est parce que, comme tu dis, parfois, en un seul jour. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran à propos de ce jour-là, il dit « Fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana ». C'est un jour, yani, qui va durer 50 000 ans. Donc, ça c'est 50 000 ans, yani. Donc, c'est pas un jour comme les jours qu'on connaît dans cette dunya. Hein. Et aussi, par contre, pour les croyants, hein, il y a un hadith qui est rapporté justement dans Sahih al-Jami' al-Sahir, il mentionne que le hadith mentionne que pour le croyant, ça va passer comme si c'était juste, yani, le temps de la prière de Zohor ou yani, de Asr. Yani, ça va être un temps qui va paraître court pour les mu'minines. Tandis que pour d'autres, ça va sembler très très très très long. Et ce sera un jour difficile. Hein? ce sera un jour difficile. Donc, en ce qui concerne l'ordre de ces événements-là et en quel ordre ils vont se produire au jour de la résurrection, il y aura en premier que les croyants vont se tenir debout et ils vont attendre le jugement. Yani le croyant et les non-croyants. Tout le monde va attendre le jugement. Et puis, le jugement ne va pas commencer tout de suite. Ils vont attendre, ils vont attendre, ils vont attendre. Et jusqu'à ce que certaines personnes même, ils auront la sueur qui commence à couler d'eux. Certains, leur sueur va arriver à leurs pieds, d'autres à leurs genoux, d'autres à leur taille, d'autres à leurs épaules, et même parmi les gens, il y en a que leur sueur va arriver même jusqu'à leur... jusqu'à... ils vont se noyer même dans leur sueur. Après, parce que le soleil sera très proche de leur tête, le soleil sera très proche de leur tête, donc les gens, parmi les croyants, il y en a qui seront couverts par l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, tandis qu'il y en a d'autres, non, ils ne seront pas couverts par l'ombre du trône d'Allah. Donc ce ne sera pas pareil pour tout le monde à ce moment-là. Ensuite, les hommes vont se parler entre eux pour aller demander à différents messagers pour que quelqu'un aille intercéder pour eux, pour demander à Allah que le jugement puisse commencer. Et là, ils vont aller voir Adam en premier. Et Adam, il va s'excuser, il va dire qu'il ne peut pas. Il va les envoyer à un autre prophète. Hein? Par exemple, ils vont aller à Ibrahim. Et Ibrahim va s'excuser, il va les envoyer à Moussa. Et Moussa va s'excuser, il va les envoyer à Isa. Et Isa va s'excuser aussi, il va les renvoyer au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va dire oui, c'est moi, hein, c'est pour moi cette intercession. Et c'est là qu'il va s'avancer et il va se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui apprendre des invocations ce moment-là. Et après, quand Allah va décider, il va lui demander ordonner de se relever et de demander ce qu'il veut. Et c'est là qu'il va intercéder pour les croyants pour que Allah subhanahu wa ta'ala commence le jugement dernier. Et là, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala va décider de commencer le jugement. Et c'est pour ça que tous les créatures, tous les êtres humains seront reconnaissants de ça. Et c'est pour ça qu'on appelle cette intercession-là al-maqam al-mahmoud, c'est-à-dire la place ou le statut de gloire, parce que tout le monde va être reconnaissant de cette chose-là pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis ensuite, une fois que les actions seront jugées, Allah subhanahu wa ta'ala va les juger, les gens vont, si je ne me trompe pas, les gens vont à ce moment-là être, soit ils vont aller à la balance ou bien ils vont passer par le pont. Et je ne sais pas si c'est la balance qui est en premier ou si c'est le passage sur le sirat. Et il y aura aussi le bassin, que les croyants vont boire de ce bassin-là de l'eau, qui, en fait, ce n'est pas de l'eau, mais c'est un breuvage dont la couleur, elle est plus blanche que le lait et le goût est plus sucré que le miel. Et les contenants pour boire de ce breuvage sont plus nombreux que les étoiles dans le ciel. Et sa largeur est un mois, et sa largeur et sa longueur, c'est un mois. Et le breuvage qui coule dans ce bassin, c'est un breuvage qui tombe d'une des rivières du paradis, qui sort du Kawthar pour tomber jusque dans ce bassin-là. Et une fois que les croyants vont boire de ce bassin, ils n'auront plus jamais soif. Hein, une fois qu'ils vont boire de ce bassin, ils n'auront plus jamais soif. Et yani, certains vont être écartés. Certains vont être écartés du bassin. Et non, certains musulmans vont être écartés du bassin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire: oh Allah, ceux-ci sont mes compagnons. Hein, ou bien ceux-ci sont yani, des musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala va répondre, ou on va répondre, on va dire, yani, ceux-là, tu ne sais pas ce qu'ils ont inventé après toi. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fabriqué après toi. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, suhqan, suhqan, yani, écartez-vous, éloignez-vous. Donc, dans ce cas-là, ils vont être éloignés. Après, il y aura, donc, comme on dit, le pont. Après, il y aura les balances et le pont. Après, il y aura Al-Qantara, là où Allah subhanahu wa ta'ala va régler les conflits qui existaient entre certains croyants. S'ils avaient des conflits entre eux, Allah subhanahu wa ta'ala va régler ces conflits-là entre eux, va les juger, va réparer les torts qui ont été faits. Et ensuite, et donc, ceux qui passent sur le pont, il y en a qui vont passer à la vitesse de l'éclair, il y en a d'autres qui vont passer comme un cheval de course, il y en a d'autres qui vont passer comme un homme qui marche, il y en a d'autres qui vont ramper même, selon les œuvres que les gens ont fait. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont mentionnés par rapport au jour de la résurrection. Et il y aura les intercessions, il y a beaucoup de choses là-dessus. Et de toute façon, je pense que le cheikh, il va en parler encore plus loin. À la fin, il y a un passage qui mentionne les détails de ces, il y a un peu plus de détails de ces choses-là, inshallah. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il mentionne les points bénéfiques du fait de croire en le jour dernier. Il dit: للإيمان بهذا الركن فوائد منها الإقبال على فعل الخيرات والحرص على اكتساب الحسنات من أقوال وأفعال ومعتقدات ومن ذلكم الإقبال إلا لأن فاعلها يرجو ثوابها الذي وعد به في محكم التنزيل الحكيم وصحيح السنة المطهرة. Donc le cheikh explique que le fait de yani, faire ses œuvres, les bonnes œuvres, eh bien c'est un des fruits de la foi en le jour dernier. Parce que quand tu as la foi en le jour dernier, eh bien ça te motive à faire des bonnes œuvres. Parce que tu sais que tu vas être rétribué pour le bien que tu fais. Et tu sais que, yani, toutes les actions, toutes les paroles, toutes les croyances que tu as eues qui étaient des choses de bien, eh bien, tu les fais pourquoi? Parce que tu espères la récompense qui a été promise dans la révélation et dans le Coran et dans la Sunna pour ces choses-là. Et donc, c'est ça l'intérêt, c'est ça l'avantage, c'est ça le bien. Hein, du fait de croire en le paradis et de croire en la récompense et de croire en le jour dernier. Et comme deuxième point, al-kaffu 'an al-ma'asi aqwalaha wa af'alaha batinaha wa zahiraha iz in iqtarafuha sababun fi 'uqubati Allah allati tawa'ada biha al-'usat alladhina yani ta'addu hududahu وأضاعوا فرائضه وأعرضوا عما جاء به المرسلون الذي فيه صلاحهم وفلاحهم لو آمنوا به واستقاموا عليه. Donc le cheikh il dit que tu dois yani, t'abstenir des péchés. C'est un des fruits de la foi en le jour dernier, parce que le fait que tu crois en la rétribution et au jour de la résurrection, eh bien tu sais que toute parole ou toute action que tu as fait, qu'il soit intérieure ou extérieure, à cause de ça, tu risques d'être châtié et d'avoir le châtiment d'Allah que Allah a promis pour les gens qui désobéissent et qui transgressent ses lois. et qui ont manqué à ses obligations et qui se sont détournés de ce que les messagers ont amené et dans lequel il y a le bien pour eux et le succès pour eux s'ils avaient cru et s'ils avaient, s'ils étaient restés fermes sur, sur ces ordres. Donc, ça c'est un autre point. Et le cheikh il termine avec Al-Imanu bil-Qadar, la foi en la prédestination. Et il dit وأما معنى الإيمان بالقدر فهو الاعتقاد الجازم بأن جميع الكائنات علويها وسفليها وكلياتها وجزئياتها ناطقها وصامتها متحركها وساكنها قد قدرها الله وأحاط بها في القدم وستقع في أوقاتها وأماكنها المحدودة على وعلى صفاتها المخصوصة المخصوصة حسب ما قدر لها في الأزل. Donc le cheikh il dit que la foi en la prédestination, le qadar, c'est d'avoir la ferme conviction que toutes les choses qui existent, qu'elles soient élevées ou basses, qu'elles soient entière ou partielle, qu'elle soit parlante ou qu'elle soit parlante ou qu'elle soit muette, qu'elle bouge ou qu'elle soit inerte, qu'elle peu importe comment elles sont, eh bien c'est Allah qui les a prédestinées et il les a cernées depuis l'éternité, c'est-à-dire éternellement, et elles vont arriver, elles vont se produire dans leur moment prévu et dans leur endroit limite qui a été prédéterminé et déterminé pour elles, et dans la manière et dans la façon qu'elles ont été prédestinées à l'éternité, depuis l'éternité. Le cheikh il dit que la foi en la prédestination, c'est composé de 4 degrés. Al-Ula, al-Iman, bi-ilm Allah al-Muhit bi-kulli shay. Donc le premier c'est de croire en la science d'Allah qui enveloppe toute chose. Al-Thaniya, al-Iman bi-kitab Allah al-Lazi lam yufrit fihi min shay. C'est-à-dire de croire que Allah subhanahu wa ta'ala il a tout écrit et qu'il n'a rien négligé dans ce qui va se produire, tout a été écrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le point numéro 3, الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة فما شاء الله كونه فهو كائن بقدرته لا محالة. Donc le point numéro 3, c'est la volonté d'Allah qui est exécutée et sa toute puissance qui est complète. Donc ce que Allah a voulu, eh bien c'est par sa puissance, et donc il n'y a rien qui peut faire en sorte que ça ne se produise pas. Si Allah a voulu, ça va se produire. Et le point numéro 4, le quatrième degré, al-imanu bi anna Allah khaliqu kulli shay, c'est-à-dire de croire que Allah subhanahu wa ta'ala il est le créateur de toutes choses. Donc ça c'est les 4 degrés de la foi en la prédestination: la science d'Allah, le fait qu'il a tout écrit, donc al-kitab, le troisième il a sa volonté et sa toute puissance, donc al-mashi'a, et le quatrième al-imanu بأن الله خلق كل شيء. Donc le khalq, c'est-à-dire que tout est créé par Allah. Il n'y a pas deux créateurs dans l'univers, il y a un seul. Il y a le créateur, il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur de tout. Il n'y a pas un créateur du bien, il y a un créateur du mal. Allah a tout créé. Et tout ce qui existe est la création d'Allah, sans exception. Tout ce qui existe est uniquement la création d'Allah seul. Allah a tout créé sans exception. Naam. Ensuite, le cheikh il dit wa adillatu الإيمان بهذا الركن العظيم كثيرة في الكتاب والسنة، لا ينكرها إلا كافر، ولا يؤولها بغير تأويلها الحق إلا جاهل أو متجاهل. وقال الله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Donc le cheikh il dit que les preuves de la foi en la prédestination, ça c'est c'est un des grands piliers de la foi, sont nombreux. Les preuves à ce sujet-là sont très nombreuses dans le Coran et dans la Sunna. Personne ne peut nier la prédestination excepté un mécréant, et personne ne peut déformer la réalité de sa signification en l'interprétant d'une façon incorrecte, contraire à la vérité, excepté un ignorant ou quelqu'un qui fait semblant d'être ignorant mais qui veut égarer les gens, quelqu'un qui veut rester ignorant. Et il mentionne le verset 2 dans Surat Al-Furqan, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et il a créé toute chose et il a donné à chaque chose sa juste mesure. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. Il a créé toute chose et il l'a prédestiné. Il l'a prédestiné et il lui a donné à chaque chose, il a donné sa mesure en avance. Ensuite, il rapporte selon l'imam Muslim. L'imam Muslim, son nom c'est sa kunya c'est Abu al-Hussein. Son nom c'est Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi. Donc il vient de al-Naysabur, la région de Naysabur en Iran. Et à l'époque, c'était une région qui était remplie de grands savants de l'islam, parmi les savants de Ahl al-Sunnah, les savants du hadith. En Iran, oui, l'Iran. Aujourd'hui, c'est un pays qu'on connaît, on sait que c'est un pays maintenant où il y a beaucoup de Shia, des Rafida. Toutefois, à l'époque, c'était un des pays, parmi les pays où on retrouvait les grands savants de Ahl Sunnah. Naam. Donc, Naysabur, Samarkand, et toutes ces régions-là, c'est de là que vient l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. L'imam al-Bukhari vient de Bukhara, et l'imam Muslim vient de Naysabur. Et c'était pas des Arabes, c'est pas des Arabes. Beaucoup des grands imams du Hadith, c'est des non-Arabes. Donc à l'origine, ils sont pas des Arabes. Et il dit donc que son nom c'est Muslim ibn al-Hajjaj Al-Qushayri Al-Naysaburi. Sa kunya c'est Abu al-Hussein. C'est lui qui a rapporté le Sahih Muslim. C'est un des grands imams parmi les mémorisateurs de la Sunna, parmi les grands savants de Hadith. Il est né en l'an 260 et il est mort en l'an 315. Il est mort à l'âge de 55 ans. Oui, non, il n'était pas vieux, mais il a fait beaucoup de choses durant sa vie, des grandes choses. Il a fait en sa vie qu'est-ce que parfois même ça prendrait trois vies comme la sienne pour faire qu'est-ce qu'il fait maintenant. Aujourd'hui là, on gaspille beaucoup de temps. À l'époque, les salafs, ils savaient comment profiter du temps, et malgré les pauvres moyens qu'ils avaient à l'époque, malgré tout, ils ont réussi à faire des grandes choses. Après, il dit donc que cet imam, l'imam Muslim, il a dit, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, Abdullah ibn Amr ibn al-As, il dit que son nom au complet, c'est Abdullah ibn Amr ibn al-As ibn Wa'il ibn Hashim ibn Su'id ibn Sa'ad ibn Sahm al-Sahmi. Sa kunya c'est Abu Muhammad, et aussi certains ont dit que c'est Abu Abdurrahman. C'est un parmi les premiers à s'être converti à l'islam, et c'est un d'entre les sahaba qui ont rapporté beaucoup de hadiths. Et il est un des Abadillah. L'Abadillah c'est ceux dont le nom est Abdullah, parmi les fuqaha, les savants de l'islam. Donc parmi les abad, il y a Abdullah, justement Abdullah ibn Amr ibn al-As, il y a Abdullah ibn Omar, il y a Abdullah ibn Abbas, hein, il y a Abdullah ibn Mas'ud. Tous ceux-là tous leur nom c'est Abdullah et ils sont des savants. On les appelle des Abadillah. Al-Abadillah, dans le sens que leur nom c'est Abdullah. Oui, c'est ça. Donc, il y en a deux autres encore, si je me souviens bien, mais je ne me souviens plus en ce moment. Je crois que c'était Abdullah ibn Jubayr et un autre. Donc, Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Jubayr, si je ne me trompe pas. Puis je l'ai mentionné, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et mashallah, ça va très bien, alhamdulillah, et toi? Donc juste je vais vérifier juste pour savoir, pour être certain par rapport aux Abadillah, c'est qui ils étaient exactement. Donc juste pour revenir au hadith que le cheikh il mentionne, il dit donc sabata fi sahih Muslim an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna Allah kataba maqadir كتب مقادير نعم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وغير ذلك كثير. Donc il rapporte ce hadith qui est un hadith authentique, on a dit rapporté par l'imam Muslim, dans lequel il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a écrit la prédestinée de toutes les créatures avant d'avoir créé les cieux et la terre par 50 000 ans. Donc Allah a écrit la prédestinée de toutes les créatures 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre. Oui, al-Abadillah al-Arba'a, c'est Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah ibn Zubayr. Donc l'imam Ahmad, on lui a demandé à propos de Abdullah ibn Mas'ud, il a dit il n'est pas parmi les Abadillah, et Al-Hafiz al-Bayhaqi il a expliqué que parce que Ibn Mas'ud il est mort tôt par rapport aux autres. Donc c'est ça. Donc l'important c'est qu'est-ce qui est mentionné ici. Le cheikh il dit qu'est-ce qui est rapporté dans le Sahih de Muslim du hadith d'Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui dit qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit que Allah a écrit les prédestinés des créatures 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre. Et il y a d'autres hadiths à ce sujet-là aussi. Le cheikh il dit ensuite ومن هذه النصوص الصريحة يتضح للمؤمن الصادق في إيمانه أن كل تحركات المخلوقات الاختيارية وغير الاختيارية لا تخرج عن إرادة الله تبارك وتعالى بل كل ما يقع في العالم العلوي والسفلي من إحياء وإماتة وصحة ومرض وفقر وغنى وطول عمر وقصره ونزول الأجل ووقته ومكانه وسببه وشقاوة وسعادة ورخاء وشدة وعسر ويسر وكفر وإيمان وخير وشر كل ذلك بتقدير الله الأزلي الذي سطره القلم الذي خلقه الله وأمره أن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. Donc, le cheikh explique que tous ces textes qu'on a mentionnés sont des choses qui expliquent clairement et qui clarifient que le croyant sincère, dans sa foi, il croit que toutes les choses qui existent dans la création, que ce soit des choses, toutes les choses qui existent et qui bougent dans la création, que ce soit des choses qui bougent volontairement ou involontairement, elles ne sortent pas de la volonté d'Allah. Tout ce qu'il y a dans l'univers, tout ce qui existe, c'est, que ce soit inerte ou que ça bouge volontairement ou involontairement, c'est par la volonté d'Allah que ça se passe. Et tout ce qui arrive dans le monde, en haut ou en bas, dans le ciel ou dans la terre ou peu importe où, eh bien, c'est par la volonté d'Allah. Que ce soit le fait de faire mourir ou de faire vivre, la santé ou la maladie, la pauvreté ou la richesse, le fait de vivre longtemps ou de vivre une vie courte, le fait de, que le temps de la mort arrive ou qu'il n'arrive pas, le fait que tu meurs à tel endroit et la cause de ta mort, que tu sois malheureux ou heureux, que tu sois dans la difficulté ou dans la facilité, que tu aies de l'aisance ou de la facilité ou de la difficulté dans ta vie, que tu sois croyant ou mécréant, que tu aies du bien ou que tu aies du mal, tout ça c'est par la prédestination éternelle d'Allah subhanahu wa ta'ala que la plume a écrit par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah a créé cette plume et lui a ordonné d'écrire ce qui allait se produire, et la destinée de toute chose jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement dernier. Donc tout ça c'est par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit فَمَا مِنْ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ أَوْ حَدَثٍ مِنَ الْأَحْدَاثِ إِلَّا وَقَدْ جَرَ بِهِ الْقَلَمْ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ ولا يلزم من ذلك أن يتكل العباد على ما كتب ويترك العمل فذلك عجز وانحراف عن توجيهات القرآن الكريم ووصية الرسول الصادق الأمين فلا بد إذن من الجد والاجتهاد في اكتساب الحسنات وترك السيئات فإن ذلك موجب لرضا رب الأرض والسماوات وسبب متين لدخول الجنات وتبوأ منازل العاليات البهيات. Il dit, il n'y a pas de choses qui se passent, il n'y a pas de choses parmi les choses qui peuvent se produire ou des événements qui peuvent arriver dans l'univers, excepté que Allah avait écrit tout ça jusqu'au jour de la résurrection. Et ça implique que ça n'implique pas par contre que le serviteur doit s'asseoir puis dire ça y est, j'abandonne les actions, j'arrête de faire des œuvres, j'arrête de faire des actions. Donc ça ne veut pas dire ça. Parce que si tu agis de cette façon-là, c'est comme si tu as fait preuve de dévier des orientations du Coran et des ordres du Coran et tu as fait preuve d'incapacité, tu n'as pas fait des efforts. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui est as-sadiq, le véridique, al-amin, le fiable, l'honnête, il nous a enseigné de faire les actions et d'agir. Donc, il faut faire preuve d'effort, faire preuve de sérieux et faire preuve d'effort pour faire des bonnes œuvres et d'abandonner les péchés. Et c'est ça qui va nous faire obtenir la satisfaction du Seigneur des cieux et de la terre. Et ça va être une cause pour nous pour rentrer dans les paradis, les jardins d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir les demeures élevées de ce que Allah a préparé pour les croyants. ولقد جاء في الحديث عن عمر بن الخطاب انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ارايت ما نعمل فيه امر مبتدع او مبتدع أو فيه قد فرغ منه أو فيما قد فرغ منه فقال فيما قد فرغ منه يا ابن الخطاب كل ميسر أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء وفي رواية قال عمر الآن نجتهد يا رسول الله. Donc, il a été rapporté dans un hadith qui est rapporté par Tirmidhi, authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih Sunan Al-Tirmidhi, et également on retrouve un semblable dans Al-Bukhari aussi. Et ça dit que Omar ibn al-Khattab a dit au messager d'Allah, ô messager d'Allah, yani, vois-tu qu'on doit agir ou bien les choses sont déjà yani, terminées, on a déjà, c'est déjà fini. C'est-à-dire, le jugement a déjà été fait et les choses sont déjà terminées et classées et c'est fini déjà. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit, tout ça fait partie de ce qui a été déjà classé et terminé. Oh, Ibn al-Khattab. Mais chacun sera facilité. Chacun sera facilité. Dans la version d'Al-Bukhari, kullun muyassarun lima khuliqa lah. Chacun sera facilité pour la chose pour laquelle il a été créé. Donc il a dit, ceux qui font partie des gens du bonheur, eh bien, il va faire les actions des gens du bonheur. Et ceux qui ont été, parmi les, ceux qui font partie des gens du malheur, eh bien, ils vont faire les actions des gens du malheur. Hein? Et donc, à partir de ce moment, Omar ibn Khattab, il a dit, maintenant on va faire des efforts au messager d'Allah. C'est-à-dire que, tu veux faire partie des gens du bonheur, fais les actions des gens du bonheur. Tu veux faire partie des gens du malheur, c'est-à-dire des gens de l'enfer, alors fais les actions des gens de l'enfer, et tu vas aller en enfer. Tu vois? A'ouzou billah. Donc, pourquoi on dit ça? C'est parce que, c'est pas comme si pour dire que, quelqu'un, il va dire, bon, je vais rester assis, je vais rien faire, comme ça, de toute façon, mon sort, il est déjà, prédéterminé. C'est déjà écrit, si je vais aller en enfer ou au paradis. Hein, donc je ne vais rien faire. Non, fais les efforts, puis tu vas aller là où, où tu vas être facilité de faire les œuvres pour lesquelles tu as été créé. Donc si tu as été créé pour le bien, tu vas faire des efforts pour faire du bien. Donc tu veux être parmi les gens du paradis, fais les actions des gens du paradis, et tu, Inch'Allah, iras au paradis. Donc il dit ici le cheikh, parmi les fruits de la foi en la prédestination, le bien et le mal de ce que Allah a prédestiné, et le doux et l'amer de ce que Allah a prédestiné, il y a les points suivants. Le premier point, c'est al-i'timad 'ala Allah wa tafwid jami' al-umur ilayhi wa annahu wahib al-hayat wa qadi al-hajat wa mufarrij al-kurubat wa mutasarrif fi makhluqatihi kulliha bima sha'a wa kayfa yasha. Donc le premier fruit de la foi en la prédestination, c'est que tu vas te reposer yani en Allah subhanahu wa ta'ala, mettre ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et tu vas lui tu vas te remettre à lui dans toutes tes affaires. Tu vas t'en remettre à lui dans toutes tes affaires, parce que c'est lui qui donne la vie et c'est lui qui remplit les besoins des créatures lorsqu'ils ont un besoin, et c'est lui qui quand il y a une détresse, c'est lui qui les délivre. Quand il y a un malheur, c'est lui qui les délivre, et c'est lui qui gère les besoins de ses créatures comme il veut, hein, et parce qu'il veut et comme il veut. Donc ça, c'est le premier point, que tu vas avoir une confiance forte en Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième point, al-i'timad, al-ibti'ad wal-hazar min al-wuqu' fi da'il 'ujbi 'indama yahsul al-insan 'ala muradihi min hajat ad-din wad-dunya. Yash'ur wa yash'ur nafsuhu ويشعر نفسه أن حصول كل محبوب ودفع كل مكروه إنما هو نعمة ربانية مقدرة من لدن حكيم خبير فليحمد الله عليها. Le cheikh il dit que tu dois t'écarter et faire attention de tomber dans la maladie de Al-Ujb. Al-Ujb, c'est-à-dire d'être ébloui par ta propre personne, d'être ébloui par tes propres œuvres, tu dis waouh, moi je suis bien, moi je suis bon, moi je suis pieux, moi je suis saint, puis tu te lances des fleurs à toi-même, tu te lances des éloges à toi-même pour le bien que tu as fait, que ce soit dans la religion ou dans la dunya. Et tu dois faire en sorte que tu te dises à ton âme et à toi-même que tout ce que tu as pu obtenir comme chose qui est aimable ou bonne, et que tout ce qui a été éloigné de toi comme chose mauvaise, c'était uniquement une grâce d'Allah. C'était uniquement une grâce d'Allah qui a été prédestinée de la part d'un sage bien informé. Et donc, tu dois remercier Allah et faire des louanges à Allah pour cette grâce-là. Mais pas te lancer des éloges à toi-même ou te lancer des fleurs à toi-même. Tu t'es ébloui de toi-même, de ta propre personne. En arabe, on appelle ça al-ujub. Il y en a parmi les salafs, ils disaient Allahumma inni a'uzu bi a'uzu min sharri nafsi. Ou Allah, je demande la protection en toi, ou je demande refuge en toi contre le mal en moi-même, hein, le mal de ma personne. Le cheikh, il dit المرتبة الأخيرة من مراتب الدين بها ينتهي درسنا وبها ينتهي درسنا مرتبة الإحسان. Nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Ce point, le dernier point, on le verra au prochain cours, inshallah, même si je sais que vous êtes arrivé tard. Mais bon, c'est pas grave. Alhamdulillah. L'important, vous avez obtenu la récompense et avec l'intention aussi. Innamal a'malu binniyat. Donc, bon, en tout cas, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.